Bien, merci. L'anthropocène du point de vue mésologique. Je remercie le sort de m'avoir fait commencer en nom par la lettre B. A, B. Donc le titre que j'ai proposé, c'est l'anthropocène du point de vue mésologique. Qu'est-ce que c'est que le point de vue mésologique? Ça se situe dans le sillage de deux penseurs du XXe siècle. Le premier, qui est un naturaliste, un biologiste, le germano-balte Jakob von Uexküll, et le deuxième, un philosophe, Watsuji Tetsuro, qui était japonais, et qui ont tous deux, de manière homologue, alors comme Uexküll était d'une génération précédente, j'imagine que Watsuji a dû entendre parler de ses travaux, mais bref, ce qui importe, c'est l'homologie qu'il y a entre ce qu'il pose pour commencer et pour fonder ce que l'on pourra appeler en français une mésologie, et en allemand c'est Umweltlehre, et en japonais Föderung. Alors, quels sont ces deux principes fondateurs? C'est d'abord que l'environnement, ce n'est pas le milieu. Le milieu, dans le vocabulaire de Uexküll, c'est Umwelt. Et environnement, c'est Umgebung, c'est-à-dire le donné environnemental, un donné brut. Donc, l'environnement, ce n'est pas le milieu. Et Watsuji prend la même, adopte le même principe, mais en japonais, c'est-à-dire l'environnement naturel, Shizen Kankyo, ce n'est pas le milieu Föderung. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas le milieu? Pourquoi est-ce que l'environnement, ce n'est pas le milieu? Et réciproquement, c'est parce que le milieu suppose l'interprétation qu'un sujet fait de l'environnement. Donc c'est une relation particulière. Alors que l'environnement est un universel, c'est un donné universel qui est le même pour toute espèce, pour toute culture. Chaque sujet individuel ou collectif, espèce, société, voire individu, voire organisme, va l'interpréter à la fois par les sens et par l'action. Ça concerne l'ensemble du monde vivant. Puis, pour les animaux supérieurs, par la pensée, et pour l'être humain qui, lui, est l'animal possédant la parole à double articulation, c'est celui qui possède le logos, n'est-ce pas? Donc ça, c'est nous autres, humains. Nous interprétons par les sens, par l'action, par la pensée et par la parole, l'environnement. Ce faisant, nous élaborons notre milieu. Mais ce n'est pas tout. Ce faisant, nous nous élaborons nous-mêmes. Le sujet s'élabore lui-même dans cette corrélation entre le sujet et l'environnement. Cela fait que cette relation s'élabore historiquement et elle a nom milieu. Umwelt, Föderung. Et le sujet évolue corrélativement, historiquement. La relation, elle porte un nom. Chez Uexküll, c'est Gegengefüge, c'est-à-dire le contre-assemblage ou l'appariement entre l'animal et son milieu, Umwelt. Et chez Watsuji, c'est un concept proprement ontologique. En japonais, Fudose, que j'ai traduit par médiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiance? Watsuji le définit comme le moment structurel de l'existence humaine. Le moment structurel de l'existence humaine. Moment structurel, ça veut dire un couplage dynamique, hein, comme en mécanique. Un couplage dynamique entre le sujet et son milieu, et il se co-élabore. On pourrait même dire il se co-suscite. Là, c'est un concept juridique, mais je n'entrerai pas dans ces détails. Et comme je me situe dans ce sillage, double sillage de Uexküll et de Watsuji, j'ai ajouté un concept qui à mon sens, produit la structure, le moment structurel qui est la médiance, ou le Gegengefüge, que j'appelle trajection. La trajection, c'était un concept à vocation, dont la vocation est de dépasser le subjectif et l'objectif, qui sont des pôles théoriques nécessaires au fonctionnement de la pensée, mais qui ne sont pas la réalité. La réalité, elle est trajective, c'est-à-dire elle est toujours, elle résulte toujours de cette interprétation. Uxküll, son travail porte essentiellement sur les animaux, mais ce qu'il montre vaut pour le monde vivant en général. Donc il parlera de signes sensibles d'une part et de signes agibles d'autre part, alors mech, malen, vir, malen, d'autre part, dans cette relation qui n'est jamais une relation à un objet. Et il dit très explicitement, littéralement, il dit qu'un animal n'entre qu'un, alors je cite, qu'un animal puisse jamais entrer en relation avec un objet, cette hypothèse tacite, c'est celle du behaviorisme, est fausse. Donc il n'y a pas d'objet pour un animal. Il y en a pour le cogito, mais ça c'est une position tout à fait particulière. En réalité, dans la réalité concrète, eh bien, il y a concrescence entre l'animal et son milieu. Donc, ça n'est pas des objets, ce sont des choses. Des choses, c'est-à-dire que c'est déjà conditionné par, justement, cette corrélation. Donc, Uxküll va parler de cercle fonctionnel, Funktionskreis. Alors, d'autres auteurs qui ne se situaient pas explicitement dans le même courant de pensée, qui ne citent ni Uxküll ni Watzosi, pensent à peu près de la même façon. Par exemple, le grand naturaliste Imanishi, qui a révolutionné la primatologie, lui, il utilisait l'expression suivante, « subjectivation de l'environnement, environnementalisation du sujet ». Bon, ça correspond à la médiance ou au Gegengefüge, au contre-assemblage ou à l'appariement. Et c'est cette corrélation, subjectivation de l'environnement, environnementalisation du sujet, qui est la clé de l'évolution, selon Imanishi, et je me situe tout à fait dans cette façon de voir. Bon, vous me direz que c'est exotique, hein, un japonais. On va prendre un français. On va prendre le roi Gourand, le geste et la parole. Il montre que notre espèce, Sapiens, est apparue à émerger dans ce qu'il montre comme un effet en retour entre, d'une part, une extériorisation des fonctions du corps animal, à la fois comme système symbolique et comme système technique, et l'effet en retour de ce corps social qui a été extériorisé, l'effet en retour va hominiser le corps animal qui va devenir un corps humain. Donc, pour résumer, on peut dire que dans la vision de Leroy Gourand, et je l'adopte sans réserve, enfin, il y a des détails quand même, mais je l'adopte, on pourrait parler à la fois de anthropisation de l'environnement par la technique, ce qui en fait un milieu humain, humanisation de l'environnement par le symbole, ce qui en fait un milieu humain, et par effet en retour, hominisation du corps animal, ce qui en fait un être humain, au moins physiologiquement. Donc vous avez un effet en retour de ce que les géographes appellent écoumène, c'est-à-dire oikos, c'est habiter, n'est-ce pas? Donc l'écoumène, c'est la relation de l'humanité avec la Terre. C'est quelque chose de plus que la biosphère, parce que l'écoumène, la biosphère, c'est quelque chose d'écologique. L'écoumène, c'est quelque chose de éco-techno-symbolique, nécessairement et toujours. C'est la demeure de notre être en tant qu'humain, l'écoumène. Donc il y a effet en retour de l'écoumène sur le corps animal, ce qui en fait l'être humain. Et pour résumer encore, là vraiment une formule bien concise, on va dire qu'il y a cosmisation du corps, ça vient de cosmos, n'est-ce pas ? C'est le monde propre, le monde propre à un être, humain en l'occurrence. Cosmisation du corps en ce qui est notre monde, et par effet en retour, somatisation du monde en notre corps humain. Soma, ça veut dire corps. Donc vous avez cosmos et soma, et vous avez corrélation, co-suscitation de l'un sur l'autre. Et la façon de voir, bon, pour répondre au titre, l'anthropocène du point de vue mésologique, eh bien, c'est de se dire que l'anthropocène étant un effet de l'existence humaine sur la planète Terre, il faut chercher quel est le contre-effet. Eh bien, le contre-effet, aujourd'hui, on l'appelle transhumanisme ou post-humanisme. Donc, une problématique proprement mésologique de l'anthropocène est en même temps une problématique du transhumanisme. Et je dirais donc cosmisation du corps en anthropocène et somatisation de l'anthropocène en transhumanisme. Bien, on a déjà pas mal écrit sur l'anthropocène parmi les personnes présentes ici même. Bonneuil et Fresson dit qu'il conviendrait mieux de parler, plutôt, il serait plus juste de parler de capitalocène ou d'occidentalocène ou de consumérocène, hein, puisque la responsabilité de l'anthropocène, ça n'est pas celle de l'humanité en général. Hein, donc c'est un problème, c'est l'effet d'une certaine civilisation, la nôtre, et c'est donc un problème à la fois social et géopolitique, l'anthropocène. Et c'est aussi un problème moral, parce que les effets négatifs de l'anthropocène, le premier à en souffrir, ça n'est pas ceux qui ont provoqué l'anthropocène. Qui a provoqué l'anthropocène ? C'est la civilisation moderne, dérivée du paradigme occidental moderne classique, qui s'est établi en Europe au XVIIe siècle. Qui a décuplé l'effet de cosmisation du corps humain, puisque cette extériorisation, comme disait le roi Gourand, elle est à moitié technique, à moitié, bon, évidemment, dire moitié, c'est une métaphore, à moitié technique, à moitié symbolique, en tout cas, elle est effective, c'est ça qui fait la réalité. Ce qui fait que nous dépendons de plus en plus de ce que le roi Gourand appelait corps médial, excusez-moi, qu'il appelait corps social, mais qu'en mésologie, j'appelle corps médial, parce qu'il n'est pas seulement techno-symbolique, il est éco-techno-symbolique, puisqu'il s'inscrit nécessairement dans les écosystèmes. Donc j'appelle ça le corps médial. Donc, hélas, il y a ici une inauthenticité fondamentale de l'individu moderne qui se croit de plus en plus indépendant, alors qu'il dépend de plus en plus de son corps médial. Là, vraiment, il est fondamentalement inauthentique. Il a, en quelque sorte, forclos, c'est-à-dire, forclore, ça veut dire, ici, ça veut dire « lock out », hein, on met dehors et puis on ne regarde pas, hein, ça ne me concerne pas. Il a forclos sa médiance, c'est-à-dire le moment structurel de sa propre existence, ou bien son Gegengefüge. Je vous fais une citation. Alors, vous savez que le transhumanisme, bon, ça fait quelque temps qu'on en parle, mais il y a des personnages qui le représentent par excellence. Je crois que celui qui le représente le mieux, c'est Monsieur Cyborg, Captain Cyborg. Alors, le créateur de ce terme, c'est Manfred Kleins, qui travaillait pour la NASA quand il a créé le terme, et dans un article de 1960, il a écrit ce qui suit, je vous cite, « I thought it would be good to have a new concept, a concept of persons who can free themselves from the constraints of the environment to the extent that they wish. And I coined this word cyborg. The main idea was to liberate man, to give him the bodily freedom to exist in other parts of the universe without the constraints that having evolved on Earth made him subject to. Bon, ça veut dire Cyborg va se libérer de la Terre, il est plus concerné par les écosystèmes, il est libre. Mais ça, c'est l'inauthenticité fondamentale de Cyborg, du transhumaniste en général. Parce que il dépend, comme je vous disais, de plus en plus de son corps médial, donc il dépend de plus en plus de l'écoumène. Et ce développement exponentiel de son corps médial, surtout par la technique, fait que nous autres, parce que nous sommes déjà cyborgs pas mal, nous sommes de plus en plus néothéniques. Néothéniques, ça veut dire que nous dépendons de plus en plus de notre corps médial. On est toujours plus juvénile et irresponsable. Voilà. Alors, quand les transhumanistes comme Max Moore parlent de... On dit, on s'est libéré de la mère nature. Hein, on s'est libéré. Il forclôt totalement le moment structurel, le couplage dynamique qui est le principe même de l'existence humaine. Donc là, c'est inauthentique à fond. Ce que nous devons faire, alors c'est là-dessus que la mésologie termine par une leçon de morale, ce que nous devons faire, bien sûr, nous sommes voués à ce couplage dynamique entre anthropocène et transhumanisme, mais il faut au moins prendre conscience de notre médiance. C'est-à-dire qu'il faut dépasser l'inauthenticité fondamentale de l'individu moderne qui se croit de plus en plus libre, libéré de la Terre comme M. Cyborg, alors qu'il en dépend de plus en plus. Donc, il y a une condition ontologique à remplir, c'est prendre conscience de notre médiance. Voilà. En 15 minutes, il était difficile d'en dire plus, mais si vous voulez en connaître le détail de ce très bref exposé, il y a un papier, si je peux vous l'envoyer par courriel, si vous m'envoyez à berthe@ehess.fr, votre propre courriel. Merci. Merci, c'était parfaitement sympathique.